Comment dites-vous « je voudrais le voir » au conditionnel? Vorrei. Oui, vorrei. Je voudrais. Je voudrais le voir. Vorrei vederlo. Ce n'est pas vederlo, mais... Vederlo. Vorrei vederlo. Vorrei vederlo. Oui, je voudrais le voir. Comment diriez-vous « voudriez-vous le voir ?» Vorrebbe vederlo. Vorrebbe vederlo. Maintenant, traduisez « j'aime le voir ». Pensez à la construction française avec « ça me plaît » pour retrouver « j'aime ». Mi piace di vederlo. Oui, il est vrai qu'en français on dit « ça me plaît de le voir », mais ce « de » ne se traduit pas en italien. Réessayez. « Ça me plaît de le voir ». Mi piace vederlo. Mi piace vederlo. C'est ça. Comment diriez-vous « j'aimerais le voir » ou « ça me plairait de le voir » ? Essayez de trouver vous-même comment on dit, en sachant que « j'aime » se dit « mi piace ». Alors, « j'aimerais » ou « ça me plairait » ?« Mi piacerei ». Je n'ai pas dit « je me plairais ». Si je dis « j'aime », ça équivaut à « ça me plaît »,« cela me plaît », et non pas « je me plais ». Alors ? D'accord. « Mi piacerebbe ». C'est presque ça, mais pas tout à fait. Voyons, comment dites-vous « je le fais » ? Lo faro. Vous êtes sûr? Lo faccio. Lo faccio, oui. Et vous le faites ou il le fait? Lo? Lo faccio. Non, c'est plus simple que ça. Lo? Lo fa. Lo fa. Et il ne le fait pas? Non lo fa. Non lo fa, oui. Et il le fera. Lo fará. Lo fará. Et il le ferait? Lo farebbe. Lo farebbe. Je vous ai dit tout à l'heure qu'au futur et au conditionnel, le A des verbes en are se transformait en E. Mais fare est une exception, parce qu'il vient du latin facere, et que ce n'est donc pas vraiment un verbe en are. Le A reste et on dit farebbe. Donc, vous voyez que au futur et au conditionnel, le son qui revient systématiquement, c'est le R. Le R. Ra et rei pour le je. Ra et rebbe pour il, elle et vous. Remo et remmo pour nous. Donc, ce R est toujours présent dans la terminaison. Alors, maintenant, revenons à notre phrase du départ. Comment dit-on « j'aime le voir » ? J'aime ou ça me plaît, c'est... Mi piace. Mi piace. Mi piace, c'est j'aime. Donc, j'aime le voir donnera... Mi piace vederlo. Mi piace vederlo. Maintenant, comment diriez-vous « j'aimerais le voir » ou « ça me plairait de le voir » ? Mi piacerebbe. Pour former le conditionnel, on part de la base du verbe. Ici, le verbe c'est « piacere » et sa base « piace ». Donc, « ça me plairait » ? Mi piacerebbe. Voilà. Dites toute la phrase maintenant. J'aimerais le voir. Mi piacerebbe vederlo. Mi piacerebbe vederlo. Mi piacerebbe. J'aimerais. Ça me plairait. Et donc, encore une fois, j'aime se dit... Mi piace. Mi piace. C'est ça. Et j'aimerais ou ça me plairait? Mi piacerebbe. Mi piacerebbe. Oui. Et ensuite, Comment diriez-vous « j'aimerais le voir »? Mi piacerebbe vederlo. Mi piacerebbe vederlo. C'est ça.